Dans toute la ville, on le nomme Pépé. C'est un curieux petit bonhomme Pépé. Pantalon en accordéon, moustache noire en tire-bouchon. Quand on l'appelle, hop, il ne fait qu'un bond. Dites-moi donc, sous le chapeau cocasse de Pépé, qui aurait plus de grâce que Pépé? Qui fait l'été quand il sourit? À qui toujours tout réussit dans la vie, Pépé? Pépé, Pépé, c'est lui, sa chemise est trouée comme une dentelle. Mais il y fait des reprises avec des morceaux de ciel. Son cerveau bat la campagne, et bien qu'il soit tout petit, son cœur est une montagne qu'il donne à tous ses amis. Dans toute la ville, on le nomme Pépé. C'est un curieux petit bonhomme Pépé. Pantalon en accordéon, moustache noire en tire-bouchon. Quand on l'appelle, hop, il ne fait qu'un bond. Dites-moi donc, qui a moins dans les poches que Pépé? Et moins dans la caboche que Pépé? Mais qui est heureux comme il vit, et qui s'en foire, dit merci à la vie, Pépé.